Jeunesse de Joseph Conrad. Cela n'aurait pu arriver qu'en Angleterre, où les hommes et la mer se pénètrent, pour ainsi dire. La mer entrant dans la vie de la plupart des hommes, et les hommes connaissant la mer, peu ou prou, par divertissement, par goût des voyages ou comme gagne-pain. Nous étions accoudés autour d'une table d'acajou qui réfléchissait la bouteille, les verres et nos visages. Il y avait là un administrateur de société, un comptable, un avocat d'affaires, Marlowe et moi. L'administrateur avait passé par Conway, le comptable avait servi 4 ans à la mer, l'homme de loi, conservateur endurci, fidèle de la haute église, la crème des hommes et l'honneur incarné, avait été second à bord de navires de la compagnie péninsulaire et orientale. Au bon vieux temps où les courriers avaient encore le gréement carré sur 2 mâts au moins, et descendaient la mer de Chine, devant une mousson fraîche avec des bonnettes hautes et basses. Nous avions tous débuté dans la vie par la marine marchande. Le lien puissant de la mer nous unissait tous les 5, et aussi cette camaraderie du métier, qu'aucun enthousiasme, si vif qu'il puisse être pour le yachting, les croisières ou autre chose de ce genre, ne peut faire naître, car tout cela, ce n'est que le divertissement de la vie, tandis que l'autre, c'est la vie même. Marlowe, je crois du moins que c'est ainsi que s'écrivait son nom, nous faisait le récit, ou plutôt la chronique, d'un de ses voyages. Oui, j'ai bourlingué pas mal dans les mers d'Extrême-Orient. Mais le souvenir le plus clair que j'en ai conservé, c'est celui de mon premier voyage. Il y a de ces voyages, vous le savez, vous autres, qu'on dirait faits pour illustrer la vie même, et qui peuvent servir de symbole à l'existence. On se démène, on trime, on sue sang et eau, on se tue presque. On se tue même vraiment, parfois, à essayer d'accomplir quelque chose, et on n'y parvient pas. Ce n'est pas de votre faute. On ne peut tout simplement rien faire. Rien de grand ni de petit, rien au monde. Pas même épouser une vieille fille, ni conduire à son port de destination une malheureuse cargaison de 600 tonnes de charbon. Ce fut à vrai dire une affaire mémorable. C'était mon premier voyage en Extrême-Orient. Et mon premier voyage comme lieutenant. C'était aussi le premier commandement de mon capitaine. Vous avouerez qu'il était temps. Il avait bel et bien 60 ans. C'était un petit homme au dos large, un peu courbé, avec des épaules rondes et une jambe plus arquée que l'autre. Il avait cet aspect quelque peu tordu qu'on voit fréquemment aux hommes qui travaillent au champ. Sa figure en casse-noisette, menton et nez essayant de se rejoindre devant une bouche rentrée, s'encadrait de flocons de poils gris, de fer, qui vous avaient vraiment l'air d'une mentonnière d'ouate, saupoudrée de charbon. Et l'on voyait dans ce vieux visage 2 yeux bleus étrangement semblables à ceux d'un jeune garçon, avec cette expression candide que certains hommes très ordinaires conservent jusqu'à la fin de leur jour, à la faveur intime et rare d'un cœur simple et d'une âme droite. Ce qui put l'engager à me prendre comme lieutenant reste pour moi un mystère. J'avais débarqué d'un de ces fameux clippers qui faisaient les voyages d'Australie et à bord duquel j'étais 3e officier, et il semblait avoir des préventions contre cette classe de voiliers, comme trop aristocratique et distinguée. « Vous savez, me dit-il, sur ce navire, vous aurez du travail. » Je lui répondis que j'en avais eu sur tous les navires à bord desquels j'avais été. « Ouais, mais celui-ci est différent, et vous autres, messieurs qui venez de ces grands navires, enfin, je crois que vous ferez l'affaire. Embarquez demain. » J'embarquai le lendemain. Il y a de cela 22 ans. et j'avais tout juste 20 ans. Comme le temps passe, ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie. Imaginez-vous, lieutenant pour la première fois, officier réellement responsable. Je n'aurais pas donné mon nouveau poste pour tout l'or du monde. Le second m'examina attentivement. Il était vieux, lui aussi, mais d'une autre allure. Il avait un nez romain, une longue barbe d'une blancheur de neige, et se nommait Mahon, mais il tenait à ce qu'on prononçât Mann. Il était de bonne famille, mais il n'avait pas eu de chance, et il n'avait jamais pu avancer. Pour ce qui est du capitaine, il avait servi des années à bord de caboteurs, puis dans la Méditerranée, et enfin sur la ligne des Antilles. Il n'avait jamais doublé les caps. C'est tout juste s'il savait écrire et il n'y tenait guère. Bien entendu, très bons marins l'un et l'autre, et entre ces deux vieux-là, je me faisais l'effet d'un petit garçon entre ces deux grands-pères. Le navire était vieux. Il s'appelait Judée. Drôle de nom, hein. Il appartenait à un certain Villemer, Wilcox, quelque chose dans ce genre-là. Mais voilà 20 ans que l'homme a fait faillite et est mort. Et son nom importe peu. La Judée était restée désarmée dans le bassin Shadwell pendant je ne sais combien de temps. Vous pouvez vous imaginer dans quel état elle était. Ce n'était que rouille, poussière, crasse, suie dans la mâture et saleté sur le pont. Pour moi, c'était comme si je sortais d'un palais pour entrer dans une chaumière en ruine. Elle jaugeait à peu près 400 tonnes, avait un guindeau primitif, des loquets de bois aux portes, pas le moindre morceau de cuivre, et son arrière était large et carré. On pouvait distinguer au-dessous de son nom, écrit en grandes lettres, un tas de fioritures dédorées et une espèce d'écusson qui surmontait la devise « Marche ou meurt ». Je me rappelle que cela me plut énormément. Il y avait là quelque chose de romanesque qui me fit tout de suite aimer cette vieille baille. Quelque chose qui séduisit ma jeunesse. Nous quittâmes Londres sur l'est, l'est de sable, pour aller prendre du charbon dans un port du nord à destination de Bangkok. Bangkok. J'en tressaillais d'aise. Il y avait 6 ans que j'étais à la mer, mais je n'avais vu que Melbourne et Sydney, des endroits très bien, des endroits charmants dans leur genre. Mais Bangkok. Nous mîmes à la voile pour sortir de la Tamise, avec un pilote de la mer du Nord à bord. Il se nommait Jermyn, et il traînait toute la journée aux abords de la cuisine pour faire sécher son mouchoir devant le fourneau. Apparemment, il ne fermait jamais l'œil. C'était un homme triste, qui ne cessait d'avoir la goutte au nez, et qui avait eu des ennuis, ou en avait, ou allait en avoir. Il ne pouvait être heureux à moins que quelque chose n'allât mal. Il se défiait de ma jeunesse, de mon jugement et de mon sens de la manœuvre. Et il se fit un devoir de me le témoigner de 100 façons. J'avoue qu'il avait raison. Il me semble que je n'en savais pas lourd alors. Je n'en sais pas beaucoup plus aujourd'hui. Mais je n'ai cessé jusqu'à ce jour de détester ce Jermyn. Il nous fallut une semaine pour gagner la rade de Yarmouth. Et là, nous attrapâmes un coup de tabac. La fameuse tempête d'octobre, d'il y a 22 ans. Vent, éclair, neige fondue, neige et mer démontée, tout y était. Nous naviguions à l'aige, et vous pourrez imaginer à quel point c'était vilain. Quand je vous aurais dit que nous avions nos pavois démolis et notre pont inondé. Le second soir, le lest ripa dans la joue avant, et à ce moment, nous avions été dépalés dans les parages de Doggerbank. Il n'y avait rien d'autre à faire que de descendre avec des pelles et d'essayer de redresser le navire. Et nous voilà dans cette vaste cale, sinistre comme une caverne, des chandelles tremblotantes collées aux barreaux, tandis que la tempête hurlait là-haut, et que le navire dansait comme un fou avec de la bande. Nous étions tous là, Jermyn, le capitaine, tous, pouvant à peine nous tenir sur nos jambes, occupés à cette besogne de fossoyeurs, essayant de refouler au vent des pelletées de sable mouillé. À chaque plongeon du navire, on voyait vaguement dans la pénombre dégringoler des hommes qui brandissaient des pelles. Un de nos mousses, nous en avions deux, impressionné par l'étrangeté de la scène, pleurait comme si son cœur allait se rompre. On l'entendait renifler quelque part dans l'ombre. Le troisième jour, la tempête cessa, et un remorqueur du nord qui se trouvait par là nous ramassa au passage. Il nous avait fallu 16 jours en tout pour aller de Londres à Latine. Quand nous fûmes au dock, nous avions perdu notre tour de chargement, et on nous déhala jusqu'à un rang où nous restâmes un mois. Mrs. Bird, le capitaine s'appelait Bird, vint de Colchester pour voir son mari. Elle s'installa à bord. L'équipage temporaire avait débarqué, et il ne restait que les officiers, un mousse et le steward, un mulâtre qui répondait au nom d'Abraham. Mrs. Bird était une vieille femme, à la figure toute ridée et hâlée, comme une pomme d'hiver, et qui avait une tournure de jeune fille. Elle me surprit un jour en train de recoudre un bouton, et insista pour réparer toutes mes chemises. Ce n'était guère le genre de femme de capitaine que j'avais connue à bord des Clippers. Quand je lui eus apporté les chemises, elle me dit « Eh bien, et les chaussettes ?»« Elles ont besoin d'un raccommodage, j'en suis sûr. Les effets de John, le capitaine Bird, sont tous en état maintenant. J'aimerais avoir quelque chose à faire. » Brave vieille. Elle passa en revue mes effets. Et pendant ce temps-là, je lus pour la première fois Sartor Resartus et la chevaussée vers Kiva de Burnaby. Je ne compris guère alors le premier de ces livres, mais je me rappelle qu'à cette époque-là, je préférais le soldat au philosophe, préférence que la vie n'a fait que confirmer. L'un était un homme et l'autre était davantage, ou moins. L'un et l'autre sont morts et Mrs. Bird est morte. Et la jeunesse, la force, le génie, les pensées, les exploits, les cœurs simples, tout meurt. Enfin, on finit par nous charger. Nous embarquâmes un équipage, 8 matelots et 2 mousses. Un soir, nous déhalâmes sur les bouées près du sas, prêts à sortir, et avec bon espoir d'appareiller le lendemain. Mrs. Bird devait repartir chez elle par le dernier train. Une fois le navire amarré, nous descendîmes prendre le thé, et nous demeurâmes assez silencieux durant tout ce temps, Mahon, le vieux couple et moi. J'eus fini le premier et m'esquivai pour aller fumer une cigarette, ma cabine se trouvant dans un rouf, tout contre la dunette. C'était l'heure du plein, le vent avait fraîchi, il bruinait. Les 2 portes du sas étaient ouvertes, et les charbonniers allaient et venaient dans l'obscurité, avec leurs feux très clairs, au milieu d'un grand bruit d'hélices battant l'eau, d'un ferraillement de treuil, et de voix qui allaient au bout des jetées. J'observais la procession des feux de pointe qui glissaient en haut, et celle des feux verts qui glissaient plus bas dans la nuit. Lorsque tout à coup, j'aperçus un éclat rouge qui disparut, revint et resta. L'avant d'un vapeur surgit tout proche. Par la claire voix de la cabine, je criai « Montez vite !» Puis j'entendis une voix effrayée qui disait au loin dans l'ombre « Stoppez, capitaine !» La sonnerie d'un timbre résonna. Une autre voix cria pour avertir. Nous allons rentrer dans ce voilier. Un rude « ça va ?» y répondit, et fut suivi d'un violent craquement au moment où le vapeur vint de sa joue avant, taper de biais dans notre gréement. Il y eut un moment de confusion, de vocifération, un bruit de gens qui couraient. La vapeur siffla. puis on entendit quelqu'un qui disait « Pareil, capitaine, vous n'avez rien ?» demanda la voix bourrue. J'avais couru devant pour voir l'avarie et je leur criais « Je crois que non !» « En arrière, doucement !» dit la voix bourrue. Un timbre retentit. « Quelle est ce vapeur ?» hurla Marron. À ce moment, il n'était plus pour nous qu'une ombre massive, manœuvrant à quelque distance. On nous cria un nom. Un nom de femme, Miranda ou Médissac, ou quelque chose de genre. « Ça va nous faire encore un mois dans ce sale trou, » me dit Marron, comme nous examinions avec des fanaux les pavois éclatés et les bras coupés. « Mais où est donc le capitaine ?» Nous ne l'avions tout ce temps-là ni vu ni entendu. Nous allâmes voir derrière. Une voix de lande s'éleva du milieu du bassin. « Ohé, Judée !» « Comment diable se trouvait-il là ?» Nous criâmes « Oui !»« Je suis à la dérive dans notre canot, sans aviron !» nous cria-t-il. Un batelier attardé nous offrit ses services et Marron s'entendit avec lui, moyennant une demi-couronne, pour remarquer notre capitaine au long du bord. Mais ce fut Mrs. Bird qui monta la première à notre échelle. Il y avait près d'une heure qu'ils étaient là à flotter dans le bassin sous une froide petite pluie fine. Je n'ai jamais été de ma vie été aussi surpris. Il paraît que lorsqu'il m'avait entendu crier « Montez vite !», il avait aussitôt compris ce qui se passait. Il avait empoigné sa femme, grimpé sur le pont qu'il avait traversé en courant, pour dégringoler dans le canot amarré à l'échelle. Pas si mal pour un homme de 60 ans. Imaginez un peu ce vieux, sauvant héroïquement sa femme dans ses bras. La femme de toute sa vie. Il l'avait déposée sur un banc et s'apprêtait à remonter à bord, quand je ne sais comment la bosse fila. Et les voilà partis ensemble. Naturellement, au milieu de toute cette confusion, nous ne l'avions pas entendu crier. Il avait l'air tout penaud. Elle s'écria d'un air enjoué. « Je suppose que cela ne fait rien si je manque le train maintenant. »« Non, Jenny, descends te réchauffer, » grommela-t-il. Puis s'adressant à nous, « Un marin ne devrait pas s'embarrasser de sa femme. Voyez-vous ça ? Je n'étais pas à bord. »« Bon, il n'y a pas trop de mal cette fois. » Allons voir ce que cet idiot de vapeur nous a démoli. Ce n'était pas grand-chose, mais cela nous retint tout de même 3 semaines. Au bout de ce temps, le capitaine étant occupé avec ses agents, je portai le sac de voyage de Mrs. Bird jusqu'à la gare et l'installai confortablement dans un compartiment de 3e classe. Elle abaissa la vitre pour me dire « Vous êtes un brave jeune homme. Si vous voyez John, le capitaine Bird, sans son foulard la nuit, rappelez-lui de ma part de bien s'en mitoufler. Certainement, Mrs. Bird, lui dis-je. Vous êtes un brave jeune homme. J'ai remarqué combien vous étiez attentionné pour John, le capitaine. Le train démarra brusquement. Je saluai la vieille dame. Je ne l'ai jamais revue. Passez-moi la bouteille. » Nous prîmes la mer le lendemain. Quand nous partîmes ainsi pour Bangkok, il y avait 3 mois que nous avions quitté Londres. Nous avions pensé mettre une quinzaine, tout au plus. C'était en janvier, et le temps était magnifique. Ce beau temps d'hiver ensoleillé qui a plus de charme que le beau temps d'été, parce qu'il est plus inattendu, plus vif. Et qu'on sait qu'il ne va pas, qu'il ne peut pas durer longtemps. C'est comme une aubaine, une bonne fortune, une chance inespérée. Cela dura tout le long de la mer du Nord, tout le long de la Manche. Cela dura 300 miles environ, à l'ouest du Cap Lizard. Alors le vent tourna au suroît et commença sa musique. 2 jours plus tard, il soufflait en tempête. La Judée se vautrait dans l'Atlantique comme une vieille caisse à chandelles. Il souffla jour après jour, il souffla méchamment, sans arrêt, sans merci, sans relâche. Le monde n'était plus qu'une immensité de vagues écumantes qui se ruaient sur nous, sous un ciel si bas qu'on aurait pu le toucher de la main, et sale comme un plafond fumé. Dans l'espace bouleversé qui nous environnait, il y avait autant d'embruns que d'air. Jour après jour, nuit après nuit, il n'y eut autour du navire que le hurlement du vent, le tumulte de la mer, le bruit de l'eau tombant en trombe sur notre pont. Il n'y eut ni repos pour lui, ni repos pour nous. Il ballottait, il tanguait, il piquait du nez, il plongeait de l'arrière, il roulait, il gémissait. Et il nous fallait nous cramponner quand nous étions sur le pont, nous agripper à nos couchettes quand nous étions en bas, dans un effort physique et une tension d'esprit qui ne nous donnait pas de cesse. Une nuit, Mahon m'interpella par la vitre de ma cabine. Elle ouvrait sur ma couchette. J'y étais tendu, tout éveillé, tout habillé, tout chaussé, avec l'impression de n'avoir pas dormi depuis des années, et de ne pouvoir le faire si je m'y efforçais. Il me dit avec animation, « Vous avez la tige de la sonde, Marlowe ? Je ne peux pas amorcer les pompes. Sacré Dieu, ce n'est pas une plaisanterie. » Je lui passai la sonde et me recouchai, essayant de penser à des tas de choses. Mais je ne pensais qu'aux pompes. Quand je vins sur le pont, ils y travaillaient encore, et ma bordée vint les relever. À la lueur du fanal qu'on avait apporté pour examiner la sonde, j'entrevis les visages gras et las. Nous passâmes les 4 heures entières à pomper. Nous pompâmes tout le jour, toute la nuit, toute la semaine, quart après quart. Le navire se déliait et faisait de l'eau dangereusement, pas au point de nous noyer immédiatement, mais assez pour nous tuer à manœuvrer les pompes. Et tandis que nous pompions, le navire nous lâchait par morceaux. Les pavois partirent, les épontilles furent arrachées, les manches à air écrasées, la porte de la cabine sauta. Le navire n'avait plus un pouce de sec. Il se vidait peu à peu. Notre grand canot, comme par magie, fut réduit en miettes, à sa place même, sur ses chantiers. Je l'avais saisi moi-même, et j'étais assez fier de mon ouvrage, qui avait défié si longtemps la malignité de la mer. Et nous pompions. Et la tempête ne cessait de faire rage. La mer était blanche comme une nappe d'écume, comme un chaudron de lait qui bout. Pas d'éclaircie parmi les nuages, pas même un trou grand comme la main, pas même l'espace de 10 secondes. Il n'y avait pas pour nous de ciel, il n'y avait pour nous ni étoiles, ni soleil, ni univers, rien que des nuages en courroux et une mer en fureur. Quart après quart, nous pompions pour sauver nos vies. Cela sembla durer des mois, des années, toute une éternité. Comme si nous eussions été des morts condamnés à quelque enfer pour marins. Nous oubliâmes le jour de la semaine, le nom du mois, quelle année l'on était, et jusqu'au souvenir d'avoir jamais été à terre. Les voiles partirent. Le navire était en travers, au vent, sous un bout de toile. L'océan nous dégringolait dessus, et nous n'y prenions plus garde. Nous manœuvrions les bras des pompes, et nous avions des regards d'idiots. Quand nous avions réussi à ramper sur le pont, j'entourais d'un filin les hommes, les pompes et le grand mât, et nous pompions. Nous pompions sans relâche, avec de l'eau jusqu'à la ceinture, jusqu'au cou, jusque par-dessus la tête. C'était du pareil au même. On avait oublié ce que c'était que d'être sec. Et j'avais quelque part en moi cette pensée. Ça, ma foi, c'est une sacrée aventure, comme on en lit dans les livres. Et c'est mon premier voyage comme lieutenant. Et je n'ai que 20 ans. Et je tiens bon, tout autant que n'importe lequel de ces hommes. Et je garde mes gens d'attaque. J'étais content. Je n'aurais pas renoncé à cette expérience pour un empire. Il y avait des moments où j'exultais véritablement. Quand cette vieille coque démantelée, piquée du nez lourdement, l'arrière dressée en l'air, il me semblait qu'elle lançait comme un appel, comme un défi, comme un cri vers ces nuages impitoyables, les mots inscrits sur sa poupe. Judée, Londres, marche ou meurs. Ô jeunesse, quelle force elle a, quelle foi, quelle imagination! Pour moi, ce navire, ça n'était pas une vieille guimbarde, charriant par le monde un tas de charbon en guise de fret. C'était l'effort, l'essai, l'épreuve de la vie. J'y pense avec plaisir, avec affection, avec regret, comme on pense à un mort que l'on aurait chéri. Je ne l'oublierai jamais. Passez-moi la bouteille. Une nuit qu'attachée au mât, comme je l'ai expliqué, nous continuions à pomper, assourdis par le vent, et n'ayant même plus en nous assez de courage pour souhaiter notre mort, un paquet de mer déferla sur le pont et nous passa dessus. À peine eussé-je repris mon souffle que je me mis à crier, avec l'instinct du devoir, « Tenez bon, les gars !» quand soudain je sentis quelque chose de dur qui flottait sur le pont me heurtait le mollet. J'essayais de m'en emparer sans y parvenir. Il faisait si noir qu'on ne voyait pas les uns les autres à deux pas. Après ce choc, le navire demeura un moment immobile, et la chose revint heurter ma chambre. Cette fois, je pus la saisir. C'était une casserole. Tout d'abord, abruti de fatigue, et ne pouvant penser à rien d'autre qu'aux pompes, je ne compris pas ce que j'avais dans la main. Mais tout à coup, je me rendis compte et m'écriai « Dites-moi, les gars, le roux fait partie, lâchons-la, et allons voir où est le coq. » Il y avait à l'avant un roux qui contenait la cuisine, la couchette du cuisinier et le poste d'équipage. Comme on s'attendait depuis des jours à le voir emporter, les hommes avaient reçu l'ordre de coucher dans le carré, le seul endroit sûr du navire. Le steward, Abraham, persistait toutefois à se cramponner à sa couchette, stupidement, comme une mule, par pure terreur, je crois, comme un animal qui ne veut pas quitter une étable qui s'écroule pendant un tremblement de terre. Nous allâmes à sa recherche. C'était risquer la mort, car une fois hors de notre amarrage, nous étions aussi exposés que sur un radeau. Nous y allâmes tout de même. Le rouf était démoli comme si un obus avait éclaté dedans. Presque tout avait passé par-dessus bord. Le fourneau, le poste d'équipage, toutes leurs affaires, tout était parti. Mes deux épontilles, qui maintenaient une partie de la cloison à laquelle était fixée la couchette d'Abraham, restaient comme par miracle. Nous tâtonnâmes parmi les ruines et nous découvrîmes Abraham. Il était là, assis sur sa couchette, au beau milieu de l'écume et des épaves, à bredouiller gaiement et en se parlait à lui-même. Il avait perdu la tête. Il était devenu bel et bien fou, pour de bon, après ce choc soudain, qui avait eu raison de ce qui lui restait d'endurance. On l'empoigna. On le traîna derrière. Et on le précipita la tête la première par l'échelle de la cabine. On n'avait pas le temps, voyez-vous, de le descendre avec des précautions infinies, ni d'attendre pour savoir comment il allait. Ceux qui étaient en bas sauraient bien le ramasser au pied de l'échelle. Nous étions très pressés de retourner aux pompes. Cela, ça ne pouvait pas attendre. Une mauvaise voie d'eau est chose impitoyable. C'est à croire que le seul dessein de cette diabolique tempête avait été de rendre fou ce pauvre diable de mulâtre. Elle mollit avant le matin, et le lendemain, le ciel se dégagea. Et la mer s'apaisant, la voie d'eau diminua. Quand on put établir un nouveau jeu de voile, l'équipage demanda à rentrer. Il n'y avait vraiment rien d'autre à faire. Les embarcations parties, les ponts balayés, la cabine éventrée, les hommes n'ayant à se mettre que ce qu'ils avaient sur le dos, les provisions gâtées, le navire éreinté, nous virâmes du bord pour rentrer. Eh bien, le croiriez-vous ? Le vent passa à l'est et nous vint droit sur le nez. Il souffla frais, il souffla sans répit. Il nous fallut lui disputer chaque pouce du chemin. Le navire, heureusement, ne faisait pas autant d'eau, la mer restant relativement calme. Pomper 2 heures sur 4 n'est pas une plaisanterie, mais cela tint le navire à flot jusqu'à Falmouth. Les bonnes gens qui habitent là vivent des sinistres maritimes, mais sans aucun doute nous virent arriver avec plaisir. Une horde affamée de charpentiers de navires affûta ses outils à la vue de cette carcasse de navire. Et certes, ils se firent de jolis bénéfices à nos dépens avant d'en avoir fini. J'imagine que l'armateur était déjà dans de mauvais draps. Les choses traînèrent. Puis on décida de débarquer une partie du chargement et de calfater la coque. Ce qui fut fait, on acheva les réparations, on rechargea. Un nouvel équipage embarqua et nous partîmes pour Bangkok. Avant la fin de la semaine, nous revenions. L'équipage avait déclaré qu'il n'irait pas à Bangkok. C'est-à-dire une traversée de 150 jours, dans une espèce de rafio où il allait pomper 8 heures sur 24. Et les journaux maritimes insérèrent de nouveau le petit paragraphe « Judée, 3 mâts barque, de la tine pour Bangkok, charbon, rentré à Falmouth, avec une voie d'eau, équipage refusant le service. » Il y eut encore des retards, d'autres rafistolages. L'armateur vint passer une journée et déclara que le navire était en parfait état. Le pauvre capitaine Bird avait l'air d'un fantôme de capitaine, par suite de l'ennui et de l'humiliation de tout cela. Rappelez-vous qu'il avait 60 ans et que c'était son premier commandement. Mahon affirmait que c'était une aventure absurde et que ça finirait mal. Quant à moi, j'aimais le navire plus que jamais. Et je mourrais d'envie d'aller à Bangkok, nom magique, nom béni. Mésopotamie n'était rien à côté. Rappelez-vous que j'avais 20 ans, que c'était mon premier voyage comme lieutenant et que tout l'Orient m'attendait. Nous sortîmes pour mouiller en grande rade avec un nouvel équipage, le 3e. Le navire faisait eau pis que jamais. C'était à croire que ces charpentiers de malheur y avaient fait un trou. Cette fois-là, nous ne quittâmes même pas la rade. L'équipage refusa tout bonnement de virer le guindeau. On nous remorqua dans le fond du port et nous devînmes un meuble, une particularité, une institution de l'endroit. Les gens nous montraient du doigt aux visiteurs en disant « Ce 3 mâts que vous voyez là en partance pour Bangkok, voilà 6 mois qu'il est là. » Il est rentré 3 fois. Les jours de congé, les gamins qui se promenaient dans les canaux nous hélaient. « Oh, de la Judée !» Et si une tête se montrait au-dessus de la lisse, il criait « Où que c'est que vous allez ? À Bangkok ?» Et il se moquait de nous. Nous n'étions que 3 à bord. Le pauvre vieux patron broyait du noir dans sa cabine. Mahon s'était chargé du soin de faire la cuisine et il déploya inopinément tout le génie d'un Français dans la confection de bons petits plats. Moi, je m'occupais nonchalamment du gréement. Nous étions devenus des citoyens de Falmouth. Tous les boutiquiers nous connaissaient. Chez coiffeurs ou les marchands de tabac, on nous demandait familièrement « Et croyez-vous que vous finirez par arriver à Bangkok ?» Pendant ce temps, l'armateur, les assureurs et les affréteurs se chamaillaient à Londres. Et notre solde courait toujours. Passez-moi la bouteille. C'était abominable. Moralement, c'était pire que de pomper pour sauver sa peau. On eût dit que le monde entier nous avait oubliés, que nous n'appartenions à personne, que nous n'arriverions jamais nulle part. On eût dit que, par l'effet d'une malédiction, nous étions condamnés à jamais à vivre dans ce fond de port en butte à la risée de générations de dockers oisifs et de bateliers malhonnêtes. J'obtins 3 mois de solde et 5 jours de congé et me précipitai à Londres. Cela me prit un jour pour y aller et près d'un autre pour en revenir. Mais mes 3 mois de solde n'en filèrent pas moins. Je ne sais trop ce que j'en fis. J'allais, je crois, au music hall. Je déjeunais, dînais, soupais, dans un endroit chic de Regent Street, et je revins à l'heure dite, sans savoir rien d'autre à montrer pour prix de 3 mois de travail que les œuvres complètes de Byron et une couverture de voyage toute neuve. Le batelier qui me ramena à bord me dit « Ah bah, je croyais que vous aviez quitté cette vieille barque. Elle n'ira jamais à Bangkok. Vous avez vu ça, vous ?» lui dis-je avec dédain. Mais cette prophétie ne me disait rien de bon. Soudain, un homme, un agent de je ne sais qui, survint, muni de plein pouvoir. Il avait un visage qui bourgeonnait, une énergie indomptable. C'était un fort joyeux luron. Nous rentrâmes d'un bond dans la vie. Un chaland vint faire caréner et enlever le cuivre pour visiter les fonds. Rien d'étonnant à ce que cette barque fit tôt. Harcelée par la tempête au-delà de ses forces, la pauvre avait comme de dégoût craché les toupes qui garnissaient ses membrures. On la recalfata, on la redoubla, on la rendit aussi étanche qu'une bouteille. Nous retournâmes au chaland et on remit la cargaison à bord.